إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc nous allons poursuivre inshallah les différentes catégories. Nous avons vu différentes catégories de tawhid, de shirk, et la semaine dernière nous avons vu sur les quatre genres d'associationnisme majeur. Il y en avait quatre qui sont l'invocation, la ta'a, l'obéissance, ouais. Et l'amour. L'amour, ça ce sont les quatre. L'associationnisme dans l'invocation, dans le da'wa, shirk al-da'wa, l'individu il invoque autre qu'Allah, dans l'intention, la volonté et l'objectif. D'accord ? Dans l'obéissance, le fait que tu vas obéir, quelqu'un il va dire par exemple telle chose est haram, alors qu'elle est halal. Hein. Et toi, tu vas obéir l'individu qui a rendu cette chose la haram, en lui obéissant, tu vas l'adorer. On voit le danger ici du suivi aveugle. Donc, si quelqu'un rend quelque chose haram, alors que à l'origine, il n'y a pas de preuve que telle chose est haram, mais l'individu l'obéit dans cela, en lui obéissant, eh bien, il l'adore. Et ça annule son islam en faisant ce genre, en ayant ce genre de comportement. On avait vu dans l'association. Et ensuite, il y avait deux points qui nous restaient concernant l'associationnisme mineur. Maintenant, il y en a deux. C'est dans l'ostentation et il y a la dissimulée. D'accord ? Donc il y a l'associationnisme mineur qui englobe en fait, c'est quoi ? Lorsqu'on dit le shirk asghar, ça désigne le riya. D'accord ? L'ostentation. Tandis que l'idolâtrie dissimulée, on va voir la preuve exactement. Donc c'est ce que dit le Cheikh, wa an-naw' ath-thani shirk asghar. Donc le shirk asghar et shirk khafi, ils rentrent dans la catégorie de associationnisme mineur. On avait vu la différence entre le majeur et le mineur. Donc celui qui pratique l'associationnisme mineur, que ce soit l'ostentation ou bien celui qui est caché, eh bien ça n'annule pas son islam, d'accord ? Il reste musulman, mais il commet un péché majeur, d'accord ? Et il est sous la menace d'entrer en enfer. Donc on voit le danger, l'ostentation. Donc النوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dans la traduction au sens du verset, c'est le dernier verset de sourate Al-Kahf, verset 110. Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il pratique de pieuses œuvres et qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. D'accord ? Qu'est-ce que vous rappelle ce verset-là ? On avait parlé sur quel sujet ce verset-là ? Celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il pratique de pieuses œuvres et qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. C'est quoi ça ? Non, les deux points. Les deux points ici. Dans les conditions d'acceptation des œuvres. Si on veut que l'œuvre soit acceptée auprès d'Allah, il faut que ça ne soit pas fait par ostentation. Donc ça ne doit être fait que pour Allah et non pas pour les gens. Donc c'est comme le point que tu soulignais. Donc celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il pratique de pieuses œuvres. Les pieuses œuvres, ça correspond à quoi ? L'imam Ibn Kathir rahimahullah avait dit, hein, l'amal salih ma kana muwafiqan li shar'illah, ce qui est en accord avec la législation d'Allah. C'est ça une œuvre qui est pieuse, c'est celle qui est en accord avec la législation d'Allah. Ça veut dire que si tu fais une œuvre, si tu fais un acte d'adoration, tu le fais parce que tu connais la preuve. Il nous est interdit de faire des actes d'adoration si on ne connaît pas quelle est la preuve. D'accord ? Si quelqu'un te dit, fais comme ça, c'est bien, tu ne peux pas lui dire, ok, il n'y a aucun mal, je fais aucun... Non, tu fais un grand mal si tu le fais sans preuve. Parce que c'est d'accuser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir trahi le message. ou d'avoir oublié de transmettre quelque chose à sa communauté, qui est bien, mais que lui, l'individu en 2007, sait qu'il y a un bien dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Donc c'est de ne pas faire des innovations. D'accord ? On voit le danger de l'innovation hein, religieuse. Donc ce sont les conditions d'acceptation des œuvres en islam. Elles doivent être sincères pour Allah et selon la sunna. Selon la sunna, c'est qu'il pratique de pieuses œuvres. C'est-à-dire que tu sais que, voilà, la preuve, elle est là, là, là. Allah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu te tiens sur cela, alhamdoulilah. Pourquoi tu fais cela ? Voilà ce qui est rapporté authentiquement. D'accord ? Donc ça, première condition. Deuxième condition, qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. C'est pour ça que le shir ici avait utilisé cette preuve-là pour montrer que celui qui associe quelque chose à son Seigneur dans un acte d'adoration, il le fait par ostentation, dans le sens où, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné, en expliquant le riyah, ce que c'était, l'ostentation, comme l'individu qui rentre et qui embellit sa prière pour les gens. D'accord ? Il prie pour Allah, lui. Mais le fait qu'il l'embellisse, c'est qu'il souhaiterait que les gens viennent vers lui et lui disent « Mashallah, tu pries bien, etc. » D'accord ? Donc ça, c'est l'ostentation qui annule l'œuvre. Donc s'il veut que son œuvre soit acceptée, il faut qu'elle soit selon la sunna et sincère, qui n'associe rien à l'adoration de son Seigneur, donc sincère pour Allah Azza wa Jal. D'accord ? An-naw'u thalith, shirk khafi. Et donc c'est le troisième type d'association qui est dissimulé. D'accord ? والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاء السوداء في ظلمة الليل. سبحان الله. يعني pour vous montrer la difficulté de percevoir cet associationnisme qui est caché. Le prophète صلى الله عليه وسلم, la preuve de cela, c'est que ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il a dit l'associationnisme dans cette communauté est plus dissimulé encore que le pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans les ténèbres de la nuit. Une fourmi noire, alors les pas d'une fourmi noire, d'accord ? Sur une pierre qui est noire, dans les ténèbres de la nuit, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est clair. Yani, c'est, vous voyez ? Ça, c'est le shirk qui est dissimulé, qui est caché, d'accord ? Voilà, c'est pratiquement... C'est pour ça. Alors comment, quel est maintenant le remède ? Donc ça c'est une maladie. Quel est le remède ? D'accord ? Wa kafaratuhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka min adh-dhanb alladhi la a'lamu. Et pour l'expier, il faut dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : Ô Allah, je me réfugie auprès de toi de t'associer quelque chose en le sachant, en le connaissant. Et je te demande pardon pour les péchés que je ne connais pas. D'accord ? Et je te demande pardon pour les péchés que je ne connais pas. Il peut faire du shirk qui est caché, hein, sans avoir fait attention, là, par ignorance. Il ne connaissait pas cela, il connaissait... Yarni. Vous voyez le danger, où est-ce que ça peut mener, ça ? Parce que c'est tellement caché, donc il demande... qu'Allah Azza wa Jal le préserve pour ceux qu'il sait et pour ceux qu'il ne sait, pour ceux qu'il ne sait pas. Donc ça, c'était concernant les types d'associationnisme, les catégories d'associationnisme, d'accord ? Donc là, maintenant, on va passer au anwa'at al-kufr, parce qu'on doit comprendre maintenant quels sont les types de mécréances. Wal-kufr kufran. Il y a deux types de mécréances. Quels sont ces deux types de mécréances ? Deux types de mécréances. Celui qui n'admet pas le professeur Hassan, non ? Non, tu vas trop dans le détail. Général déjà, deux types de mécréances. L'associationnisme ? Non. Non. Le fait de ne pas croire en Allah ? Non, plus simple que ça. Là, je dis sans rentrer dans le détail. Par exemple, je vous disais... Combien de types de shirk y a ? On se rappelle ? Deux. Voilà, deux ou trois, d'accord ? Majeur, mineur. On va dire deux, majeur, mineur. Et dans le mineur, c'est subdivisé en ostentation et en caché, dissimulé. Et là, si je vous dis... Et donc, il y en a un qui exclut l'islam et l'autre qui n'exclut pas l'islam. Et donc, barakallahu fik. Donc voilà, c'est pour cela. Donc combien de types de kofr il y a ? Il y a deux types, un majeur et un mineur. Un qui exclut l'islam, l'autre qui qui n'exclut pas de l'islam, d'accord, mais qui rentre dans barakallahu fik, dans les péchés majeurs, d'accord. Donc wal kufr kufran kufr yukhriju min al milla wa huwa khamsatu anwa'. Et donc il y a deux types de mécréance, la majeure qui exclut de l'islam et la mineure qui n'exclut pas de l'islam mais qui fait partie des péchés majeurs, d'accord. Et il y a cinq types de mécréance majeure qui exclut de l'islam. Mais avant, donc, on va voir ce que le Cheikh Salah Fawzan Hafidhallah avait mentionné sur l'explication du kufr en lui-même. Donc il dit le kufr fil lugha al taghtiya wa sitr, c'est le fait que c'est quelque chose, kufr c'est quelque chose qui voile à l'individu, qui cache. D'accord? C'est ça cache, ça voile, d'accord? Comme l'exemple de la fourmi. Non, ça c'est différent. C'est le fait que l'individu, il a sa raison qui est voilée, d'accord, qui est couverte, qui n'accepte pas la vérité. Elle est couverte, d'accord. C'est pas comme elle est ouverte ou est-ce que là, Naam. Comme le verset en Coran, qu'Allah voile les cœurs. Naam, مثلاً, ou est-ce qu'Allah Azza wa Jalla voile les cœurs. Mais là, dans linguistiquement, ce que ça représente le kufr, c'est le fait que ça voile, d'accord. C'est ce qui voile, c'est ce qui couvre. C'est ce qui voile, c'est ce qui couvre, d'accord. C'est une barrière, en fait, ça, on a mis quelque chose pour comme, voilà, comme une barrière. Wal kufr shar'an dhudd al-iman. Donc, selon la législation, c'est ce qui est à l'opposé de la foi. D'accord. Fa inna al-kufr adam al-iman billahi wa rasulihi. La mécréance, c'est le fait de ne pas croire en Allah. Donc on a vu linguistiquement, maintenant selon la législation, c'est de ne pas croire, c'est ce qui est en opposition avec la foi, c'est de ne pas croire en Allah ni en ses envoyés. Que ce soit qui ne croit pas en Allah et en ses envoyés, que ce soit avec en plus qu'il les dément ou qu'il ne les dément pas. D'accord? Parce qu'il y a des types de mécréances, parce que l'individu croit que le prophète sallam est un prophète, mais il dément. D'accord? C'est ça. Oui. Dément, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas ou ils le refusent. Ils traitent de menteur et tout cela, ouais, alors qu'au fond d'eux, d'accord, ils savent que c'est la vérité. D'accord? Mais c'est quoi? C'est une forme de quoi? C'est quoi? Pourquoi ils... Alors qu'ils le savent, c'est ça que je comprends pas, ils ne veulent pas l'accepter. C'est parce que ce n'est pas en accord avec, comme on va voir avec l'exemple de Quraysh, qui eux avaient leurs ancêtres qui étaient dans la mécréance, et ils refusaient de l'accepter, comme Abu Talib, qui lui refusait l'iman. Pourquoi? Parce qu'il considérait que s'il acceptait l'islam, s'il acceptait le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que ses ancêtres étaient dans la mécréance. Et lui, en fait, il ne l'acceptait pas. Donc le fait qu'il n'accepte pas, donc il se dit, non, mais ça veut dire que mes ancêtres, ils sont en enfer. Et lui, il n'accepte pas. Donc il a refusé pour cela. Donc on va voir ça dans le détail, Inch'Allah. Donc c'est le fait de ne pas croire en Allah et en ses envoyés, et que ce soit avec en plus qu'il démente ou qu'il ne le démente pas. D'accord ? Bel mujarrad shak wa raib. Le simple fait d'avoir un doute, d'accord ? Ou i'rad ou hasad. Le simple fait d'avoir un doute, ou le simple fait de s'y opposer, ou d'avoir cette jalousie qui est négative, dans le sens où est-ce que, par exemple, les juifs n'acceptaient pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était issu des Arabes, d'accord ? Ils auraient souhaité qu'ils soient issus des enfants d'Israël, d'accord ? Donc certains n'ont pas accepté parce que par la lignée, le fait qu'ils ne voulaient pas que le dernier prophète et envoyé apparaissent parmi les arbres. Donc ça, c'est cette jalousie-là. Ou bien par le fait qu'ils s'y opposent, d'accord, ou le doute, d'accord, au kibr, ou le fait qu'ils ont de l'arrogance, ils n'acceptent pas, d'accord, ils stakbar al-haq, donc il se met à être arrogant lorsque la vérité lui arrive. Au ittiba' li ba'd al-ahwa sadda an ittiba' ar-risala, ou bien le fait de suivre les passions et les désirs qui sont en opposition avec le suivi du message. وإن كان المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاحد والمكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل. Donc ce qu'il y a, استيقان صدق الرسل. Donc ce qu'il y a, c'est que le fait qu'il dément ou qu'il rend mensonger cela, c'est pas, مثلاً, il va te dire je crois en la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un envoyé. Ok, il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un envoyé. Cependant, il va démentir des choses où il ne va pas accepter de le suivre. Comme par exemple, vous vous en souvenez, le groupe de juifs qui est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont posé des questions que seul un prophète peut répondre. Et lorsqu'il a répondu à toutes les questions, ils ont dit إِنَّنَا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَنَبِي. Nous témoignons que tu es un prophète. Mais ils sont restés dans le coffre. Ils sont restés dans la mécréance. Pourquoi? Certes, ils témoignent de la véracité que c'est un prophète, mais ils refusent de le suivre. D'accord? Deuxième point, أنواعه. الكفر نوعان. Donc c'est comme on a mentionné, il y a deux types. كفر أكبر يخرج من الملة وهو خمسة أقسام. القسم الأول كفر التكذيب. Donc le premier type, donc il y a cinq types de mécréance majeure. Donc il y a mécréance majeure, mécréance mineure. Dans la mécréance majeure, il y en a cinq types. La mécréance du démenti. D'accord? La mécréance majeure exclut l'individu de l'islam. D'accord? Tandis que la mineure, non, comme on va le voir. Mais fait partie des péchés majeurs. Donc, kufr tekdhib, le premier genre, la mécréance du démenti. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. C'est ce que Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Ankabut, verset 68. La traduction au sens du verset, qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges contre Allah ou dément la vérité lorsqu'elle lui parvient? La jahan, yani l'enfer, n'est-elle pas le refuge des mécréants? D'accord? Donc Allah Azza wa Jal a bien spécifié que font partie des mécréants ceux qui démentent la vérité lorsqu'elle leur parvient ou qui forgent des mensonges contre Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est la mécréance du démenti, premier type. D'accord? Al-qism al-thani, kufr al-iba wa al-istikbar ma al-tasdiq. Donc ça, c'est la mécréance du refus et de l'orgueil tout en avouant la vérité. D'accord? Tout en avouant la vérité. Et le type de kufr qu'avait Abu Talib, c'est ce deuxième type-là. C'est la mécréance du refus et de l'orgueil tout en avouant la vérité. Il écrivait des poèmes, Abu Talib, en mentionnant que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des religions. D'accord? Il savait que c'était, d'accord, un prophète. Il protégeait, etc., etc. Cependant, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, c'est qu'il écrivait lui-même dans ses poèmes, c'est que s'il ne considérait pas cela comme une insulte envers ses ancêtres, il l'aurait accepté. C'est-à-dire que ses ancêtres, si lui, ses ancêtres qui n'étaient pas dans l'islam, si lui se convertit à l'islam, cela implique automatiquement que ses ancêtres n'étaient pas sur la vérité. D'accord? Et donc, ça veut dire que ses ancêtres étaient dans du kufr. Et donc, lui, il ne l'acceptait pas. D'accord? Et on peut trouver ça chez certains qui n'ont pas une aqida ferme et claire, qui, par exemple, se convertissent à l'islam et n'acceptent pas que leurs parents, qui sont restés dans le kufr, aillent en enfer s'ils meurent sur cela. Subhanallah. Mais ça, c'est... ce genre d'individu, on doit lui enseigner. Il doit accepter de s'éduquer dans la religion pour comprendre. L'islam est bâti sur el-wala ou el-bara, l'alliance et le désaveu. Donc si l'individu ne se désavoue pas du kufr et des mouchriks et du shirk et des kuffars et des mouchrikines, la ilaha illallah ne lui sert à rien. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. D'accord? Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Quiconque témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son bien et son sang deviennent sacrés, son jugement devient en Allah. Si l'individu refuse de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah ou refuse de rendre mécréant les mécréants, la ilaha illallah ne lui sert à rien. D'accord ? On entend aujourd'hui des choses qui aoudou billah. Les gens disent des propos qui, sans s'en rendre compte, ils ne connaissent pas la gravité de leurs propos. Ouais, dire que les juifs et les chrétiens, c'est des croyants, aoudou billah, ça annule l'islam de celui qui prononce cela. Yani, est-ce qu'on comprend la gravité de la chose ? Lui, le fait qu'il refusait, Abu Talib, le fait qu'il refusait d'accepter que ses ancêtres étaient dans le coffre, alors il a refusé d'accepter l'islam. Donc en fait, il n'était pas dans le désert. Il ne voulait pas accepter. Il n'a même pas accepté l'islam. Ouais, donc c'est ça. Et donc, s'il l'accepte sans désaveu, ça ne lui sert à rien. C'est ça. D'accord ? Donc ça, c'est. C'est le coffre de Abu Talib qui est la mécréance du refus et de l'orgueil tout en avouant la vérité. Et la preuve c'est وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dans la traduction au sens du verset, Surat al-Baqarah verset 34, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enorgueillit. Donc Iblis et fut au nombre des mécréants. Allah Azza wa Jal a bien dit que Iblis faisait partie des kofars, des mécréants. D'accord ? On entend certains propos de prédicateurs qui disent que Iblis n'est pas un kafir. A'oudou billah. Iblis n'est pas un mécréant. Des gens qui passent à la télé, ils font la da'wa. Oh non, et ils commencent à y jeter de l'eau. Et ils essaient d'utiliser des versets qu'ils ne comprennent même pas. Subhanallah. Ça c'est l'ignorance. Allah Azza wa Jal dit bien que Iblis, illa Iblis, aba wa stakbara wa kana min al kafirin. Donc lui, Iblis ici, il n'a pas renié qu'Allah existait. Non, il l'a adoré. D'accord ? Il adorait Allah Azza wa Jal. Iblis fait partie des djinns. D'accord ? Et non pas des anges comme certains pensent. Donc il a été créé de feu. Les djinns, ils sont créés de feu, alors que les anges sont créés de lumière. Donc Iblis adorait Allah Azza wa Jal avant qu'il ait cette arrogance-là. Si bien que dans le fait comment qu'il adorait Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal l'a rapproché des malaïques, à des anges. D'accord ? Donc il faisait partie des cercles des anges. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'Iblis reconnaissait tout cela. Il reconnaissait Allah Azza wa Jal, il n'a jamais renié Allah Azza wa Jal, il n'a pas dit qu'Allah n'existait pas. D'accord ? Il sait qu'Allah Azza wa Jal existe. Il adorait Allah Azza wa Jal lui-même. Mais il a eu cet orgueil, il sait que c'est la vérité, mais il a eu cet orgueil et cette arrogance-là. Et le fait de refuser de suivre et d'obéir à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enorgueillit et fut au nombre des mécréants. D'accord ? Le troisième genre de kufr, al-qism al-thalith, kufr al-shak, wa huwa kufr al-dhan. C'est la mécréance dans le doute. Parce que là, on entend encore des propos aujourd'hui, des gens qui commencent à douter, fi azab al-qabr. Il commence à douter, est-ce qu'il va y avoir quelque chose après ? Lorsque l'individu commence à rentrer dans cela, a'oudou billah. La mécréance du doute, wa dalil qawluhu ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. قال ما أظن أن تبد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Donc là, je termine d'abord, ensuite on va. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Là, on voit dans ce verset-là, qui est utilisé comme preuve pour la mécréance du doute, la mécréance de la suspicion. Ça, c'est le troisième genre. Traduction du sens du verset, il entra dans son jardin, coupable envers lui-même par sa mécréance. Il dit, alors, c'est ça qui a fait de lui un mécréant. Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. D'accord ? Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre ? Donc lui, il n'a pas renié qu'Allah existait, il n'a pas renié cela. D'accord ? Je ne pense pas que ceci puisse jamais périr et je ne pense pas que l'heure viendra. Vous voyez ? C'est ça qui a fait de lui sa mécréance. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, « Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme ?» Ça, c'est pour le troisième genre. Excuse-moi. Aujourd'hui, dès que les musulmans, en général, ils veulent pas, on a l'impression qu'ils veulent se mettre les mains dans les oreilles et qu'ils entendent le mot mécréant. Pour eux, non, il ne faut pas dire ça, ils ont peur, voilà, il faut cacher. Non, mais ça c'est bizarre, on ne sait pas, est-ce qu'ils lisent le Coran ou ils lisent pas le Coran. Moi je me pose cette question-là, subhanallah, dès qu'on entend un imam et il vient et il dit, il ne faut pas dire que les subhanallah, Allah azawajal, kafir al-yahoud wa al-nasara, il les a rendus mécréants. Il a rendu mécréant tout individu qui refuse l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. C'est Allah azawajal qui l'a dit. C'est pas qu'on invente quoi que ce soit. Allah Azza wa Jalla l'a dit. Quiconque désire une autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui. Le pire, c'est quand tu dis la prière, quelqu'un qui ne fait pas la prière, il avait cru que c'est un mécréant, là tu les choques. Mais ça, on en reparlera, Inch'Allah, ça dans le sujet, Nawaqid l'islam, Inch'Allah, notamment dès qu'on va arriver à ce sujet-là, dans les annulatifs de l'islam. Ce qu'on doit comprendre, c'est que si Allah Azza wa Jal a rendu mécréant tel type d'individu qui faisait telle chose, d'accord, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu mécréant tel type d'individu qui faisait telle chose, etc., etc., ou qui croyait telle chose et telle chose, d'accord, qui croyait des choses en dehors de l'islam, qui n'était pas musulman, si le musulman ne les rend pas mécréants, il devient mécréant à son tour. Ouais, c'est le doute. C'est ça. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire ? Quelqu'un, l'individu, il va quoi ? Il va douter de la mécréance ? On n'est pas des mu'tazila. On suit les gens de la sunna. Les mu'tazila te disent, un tel, c'est ni un croyant, ni un mécréant. D'accord ? Il est entre les deux. Subhanallah. Les gens sont de deux types dans ce bas monde. Soit ce sont des croyants, soit ce sont des kofars. Il y a l'un des deux. Il ne peut pas être entre les deux. Il ne peut pas être à temps partiel. Soit il est musulman, soit il n'est pas musulman. Ça veut dire que c'est un kafir si ce n'est pas un musulman. D'accord ? Et donc, ces discours-là qu'on a aujourd'hui, ce sont des gens, Eric, qui sont intéressés par autre que la guidée des musulmans. Qui sont intéressés que le bien des musulmans, honnêtement. Ce sont des gens qui visent la politique des siens pour avoir tel ou tel projet dans leur rue, etc. Donc, ce n'est pas des gens qui sont intéressés par les musulmans. Donc, ça, c'est encore un autre problème. Il y a une sourate aussi qui disait que le professeur Hassan avait dit que celui qui entendait parmi les juifs son nom, Le prophète, on barakallahu fik, na'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Walladhi nafsi Muhammadan biyadi, ou, comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Walladhi nafsi biyadi. لا يسمعني احد من هذه الامه يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. C'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Personne de cette communauté, par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, entende parler de moi puis meurt sans croire au message auquel j'ai été envoyé, excepté qu'il fait partie des gens de l'enfer. Yani, le musulman, il doit être clair, il ne doit pas avoir le moindre shak dans cela. Pas de shak, pas de doute. Et la mécréance du shak, que ce soit dans cela ou que ce soit dans des choses de l'au-delà, de adhab al-qabr, Des gens qui ne fréquentent même pas la mosquée, ils jettent l'eau fil qahawi en train de oh, est-ce qu'il y a un adab qabr? Je pense pas. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Et c'est également mentionné dans le Coran. Il y a un hadith sur les deux, là, justement, où le prophète il passe et il explique aux sahabas qu'ils sont en train d'être chassés dans la mosquée. Non, alors, subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionnait qu'il y avait un des deux qui était. Qui subissait le châtiment de la tombe parce qu'il ne se nettoyait pas de son urine. Ouais, c'est vrai. Oui. Ça, c'est juste quelqu'un qui ne se nettoie pas de son urine. Hein. Alors, yani, alors, si on parle de mas'ala fiqhiyya, que l'individu, il doit se purifier avec l'eau, alors que pensez-vous qu'il y en a? Ils trouvent un coin dans la rue, ils urinent et ils remettent comme ça. Sans nettoyer, alors que l'eau, elle purifie, elle nettoie. Elle dit, mais de l'eau, il purifie. Mais l'individu qui ne met pas de l'eau, et qui laisse comme ça égoutter, il est sous cette menace-là. Subhanallah. Il est, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement informé. D'accord ? Barakallahu fik. Donc ça, c'était pour le troisième type. Le qism al-raba', kufr al-i'rad. Le quatrième type de mécréance, c'est la mécréance de désintérêt, s'y opposer, quoi. S'en désintéresser. D'accord ? والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Ce qu'Allah Azza wa Jalla dit comme preuve ici pour le quatrième type de mécréance, kufr al-i'rad. Dans la traduction du sens du verset de 3 de Sourate Al-Ahqaf, et ceux qui ne croient pas se détournent de ceux qu'on les avertit. D'accord ? Le cinquième type, Al-Qism Al-Khamis, Kufr Al-Nifaq. La mécréance de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, on le verra ça dans le détail, Inch'Allah, la semaine prochaine, parce qu'on va voir quand est-ce que ça a débuté, etc. D'accord ? Là, c'est le cinquième type, le kufr al-nifaq. Et le dalil, قوله تعالى, ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. D'accord ? Dans Sourate Al-Munafiqun, le verset 3, dans la traduction du sens du verset, où Allah Azza wa Jalla a dit, c'est parce qu'ils ont cru, puis mécru, Allah a scellé leur cœur. Allah a scellé leur cœur. Afin qu'ils ne saisissent plus. Ça veut dire qu'ils se... Allah Azza wa Jalla leur a scellé leur cœur du fait de ce comportement-là, afin qu'ils ne saisissent plus les choses, ils ne comprennent plus les choses. Et on se rappelle de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man yuridullahu bi khairin yufaqihu fi d-din. » Celui dont Allah lui fait du bien, lui donne la bonne compréhension de la religion. C'est pour ça que les ulémas ont dit... Ceci implique que celui dont Allah ne lui veut pas du bien ne lui donne pas la bonne compréhension de la religion. Et c'est pour cela, lorsque vous lisez ce verset, c'est parce qu'ils ont cru, dans la traduction au sens du verset, c'est parce qu'ils ont cru puis mécru, Allah a scellé leur cœur afin qu'ils ne saisissent plus. D'accord ? Scellé, voilé, pareil. Scellé, voilé, voilà, il aura yani, bloqué leur cœur pour qu'ils ne comprennent. D'accord ? Ils ne pourront plus comprendre. Ça, c'est la mécréance d'hypocrisie. Donc, les cinq types, ce sont Mounir. Le démenti. Démenti. Le refus et l'orgueil. Tout en avouant la vérité. Tout en avouant la vérité. Non. Ouais, le chèque. Le chèque. Le doute. Désintérêt. L'irad. El-Nifer. Ça, ce sont les cinq types, barakallahu fik, de kufr akbar. Le qism. Le deuxième type, c'est kufr asghar la yukhriju min al-milla wa huwa al-kufr al-amali wa huwa al-dhunub allati waradat tasmiyatuha fi al-kitab wa al-sunna. La mécréance mineure, ça c'est le deuxième type de mécréance. On a dit il y a la majeure mineure, donc on a vu dans la majeure il y a cinq genres. Dans la mineure ici, c'est quoi ? C'est la mécréance mineure qui n'exclut pas de l'islam, parce que la majeure exclut de l'islam. C'est la mécréance dans les œuvres. D'accord ? Ce sont les péchés qui sont mentionnés, qui ont été mentionnés dans le livre et la sunna, comme étant de la mécréance. D'accord ? Comme étant telle chose, c'est de la mécréance. D'accord ? Mais qui fait partie de la mécréance mineure, qui n'exclut pas de l'islam. D'accord ? Et ça n'atteint pas le niveau de la mécréance majeure. D'accord ? Dans Sourate An-Nahl, verset 112. Dans la traduction au sens du verset, où Allah Azzawajal a dit, et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance, puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Donc c'est le fait de devenir ingrat. D'accord ? À ce que Allah Azzawajal te donne en termes de ni'ma. D'accord ? Barakallahu fik. Exactement. Ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah Azzawajal. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. D'accord ? وقوله إن الإنسان لظلوم كفار. Dans sourate Ibrahim, le verset 34, dans la traduction au sens du verset, l'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Littéralement mécréant, mais cela c'est la mécréance mineure, d'accord ? Je suis un peu reconnaissant. Naam. ومثل قتال المسلم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Tel que par exemple un musulman qui va tuer un autre musulman. D'accord ? Ça, c'est un péché majeur. C'est du kufr. D'accord ? C'est du kufr. C'est du kufr, mais qui fait partie du kufr mineur. Il n'exclut pas l'individu de l'islam. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné « Insulter le musulman est une perversité et le tuer est une mécréance. » D'accord ? Et on voit bien la différence entre وقتاله كفر et dans l'autre hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ma bayna al-abd wal-shirk wal-kufr tark al-salat. D'accord, on voit la grande différence entre al-kufr et puis qitaluhu kufr. D'accord, al-kufr c'est le kufr majeur qui exclut de l'islam et kufr qitaluhu kufr c'est le kufr mineur, d'accord, qui n'exclut pas l'individu de l'islam. Parce qu'Allah Azza wa Jal a clairement mentionné cela, on peut le trouver cela, yani je l'avais mentionné, c'est pas avec vous, est-ce que j'avais fait l'épreuve sur le délaissement de la prière ? Non. Wa fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. D'accord ? Ne soyez pas après moi, littéralement, des mécréants qui se frappent les uns des autres. D'accord ? D'accord ? Ça, ça fait partie de la mécréance mineure. Exemple aussi, le fait de jurer par autre qu'Allah. D'accord ? Qala sallallahu alayhi wa sallam, man halafa bi ghayri Allah faqad kafar aw ashrak. Quiconque jure par autre qu'Allah a mécru ou a associé. فقد جعل الله مرتكب الكبيرة مؤمنا. Allah Azza wa Jalla a mentionné que celui qui commet ce péché majeur, c'est un croyant, il reste quand même croyant. D'accord ? Mais il a fait كبيرة من كبائر الذنوب. D'accord ? قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. Où Allah Azza wa Jalla a dit, dans la traduction du sens du verset, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le talion. Voilà, c'est ça la traduction que je recherchais pour Al-Qisas. Le talion au sujet des tués. D'accord ? Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. D'accord ? فَلَمْ يُخْرَجِ الْقَاتِلِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَعَلَهُ أَخًا لِوَلِيَ الْقِصَاصِ فَقَالَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. C'est pour cela que le fait qu'un musulman tue un autre musulman n'exclut pas de l'islam. La preuve est que Allah Azza wa Jal, mais cela fait partie des péchés majeurs, d'accord. La preuve est ce qu'Allah Azza wa Jal a clairement mentionné, que la fraternité reste. D'accord ? La fraternité reste. Celui donc qui pardonne à son frère, d'accord ? Alors qu'il le suive par une bonne œuvre et qu'il se comporte avec lui de la meilleure des façons. Donc Allah Azza wa Jal a mentionné que même que celui qui combat l'autre, le fait de combattre, d'accord ? Tuer, combattre, il combat un musulman qui va combattre un autre, ça n'annule pas l'islam de l'individu. D'accord ? Si quelqu'un rend licite un péché, d'accord, il tombe dans la mécréance par cela. D'accord ? C'est ce cas-là. Donc, s'il ne rend pas licite le sang, il le combat. D'accord ? Il le combat. Ce qu'il y a, c'est que ça n'annule pas son islam. Il fait partie des péchés majeurs. Dans le cas où est-ce qu'il risque de tomber dans le péché majeur, s'il commence à rendre licite un péché. D'accord ? Celui qui se défend, qui tue le... Celui qui rend licite justement ça, quelle est sa situation vis-à-vis d'Allah ? Il se défend, il est obligé enfin, de se défendre, mais il le tue. Il tue avant qu'il soit tué, c'est vrai. Celui qui tue, celui qui a été tué, d'accord ? Celui qui sont avec deux sabres. Les deux sont en enfer. Voilà. Celui qui tue et celui qui a été tué, les deux sont en enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Les sahabes ont questionné, mais ô envoyé d'Allah, celui qui tue, celui qui a été tué. Donc, on comprend celui qui tue, mais celui qui a été tué, parce qu'il avait l'intention de le tuer. D'accord ? Donc, on voit le danger hein, de cela. Le fait de rendre licite quelque chose qui est haram, c'est du kofr majeur, ça. D'accord ? Et le fait qu'Allah Azza wa Jal, je termine sur ce point-là, Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine, bidnillah. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal a mentionné que la fraternité demeure, ça veut dire que l'islam n'a pas été invalidé. On se rappelle de la condition de la fraternité, sourate at-Tawba. Sourate al-Hujurat, oui, innama al-mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Et la condition pour que les croyants soient des frères, c'est qu'ils soient musulmans. Donc, si les kuffars et les mushrikines veulent devenir les frères des musulmans, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent se convertir à l'islam. D'accord ? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit concernant les mushrikines, fa'in tabu wa aqamu as-salat, fa'in tabu, déjà tabu min ash-shirk, ils se repentent du shirk. Wa aqamu as-salat wa ata'u zakat fa ikhwanukum fid-din, ils deviennent vos frères en religion. On continuera inchallah la semaine prochaine sur les catégories de kufr. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.